On va se couvrir dans un mot de prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, tu nous as donné le privilège ce matin de nous réunir pour deux miracles. Le premier étant que tu as été fait chair, tu as donné ta vie. Tu as donné la vie de ton Fils. Ton Fils a donné sa vie à la croix, afin qu'on puisse te glorifier ce matin. Afin qu'on puisse élever nos voix, nos mains, nos cœurs jusqu'à toi. Pour le Dieu merveilleux que tu es. Et ce deuxième miracle, si je peux m'exprimer ainsi, le fait de voir le témoignage, de voir le baptême, d'assister à une œuvre qui a déjà eu lieu, mais assister à la démonstration de ce qui a déjà eu lieu dans le passé, par les eaux du baptême. Alors, sois loué, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de te connaître et de voir des vies transformées, de voir ton témoignage, si je peux dire ainsi, dans la vie de Lisa Jeanne et dans la vie de tes enfants. Sois glorifié en toutes choses, Seigneur. Amen. La scène se passe environ un an ou deux après que la mort de Jésus, sur la route de Jérusalem à Gaza. Un haut fonctionnaire, un homme pieux, venu d'Éthiopie pour adorer, si vous vous rappelez bien, à Jérusalem, s'en retourne chez lui sur son char. Un voyage éreintant de peut-être 1500 km. Il n'est pas en Porsche, hein? Il est avec son char, ses bœufs aussi. Et il utilise son, pour dire, sagement son temps en lisant la parole de Dieu, que le texte nous dit. Et ayant remarqué cet homme, cet Éthiopien, Dieu va prendre par l'intermédiaire d'un ange, va envoyer Philippe lui parler. On voit ça dans Acte 8, 26-28. Donc, lorsque Philippe arrive, la conversation s'engage entre lui et l'Éthiopien. Et c'est facile parce que l'Éthiopien, ça nous dit qu'il lit le texte à haute voix. Et comme la coutume le veut. Et Philippe entend, puis il dit, « OK, c'est Isaïe, OK, à partir de là, je vais lui parler. » Et c'est facile pour Philippe d'attirer son attention, et il lui pose la question, probablement, qui est sur la route, il est en train de lire, puis Philippe, oups, il apparaît là où il voit. Et Philippe lui pose la question, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? » Alors, une discussion s'engage sur le texte qu'il est en train de lire, ça nous dit Isaïe 53, versets 7 à 8, c'est ça le texte. Ce qui va amener Philippe, suite à cette discussion-là, à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans Actes 8, 29 à 35. Donc, l'Éthiopien va comprendre assez rapidement, bien, sur 1500 km, je ne sais pas où, si tu as après 10 km, on ne sait pas, mais il va comprendre l'Évangile. Il va comprendre le rôle de Jésus dans le plan divin. Il arrive à un point d'eau et sa question, c'est... Qu'est-ce qui empêche de me faire baptiser? Qu'est-ce qui empêche de me faire baptiser? Acte 8, 36. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà un exemple d'un baptême du Nouveau Testament qui s'est reproduit à des millions de reprises dans le monde depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, avant d'inviter les agents, j'aimerais prendre 15 minutes maximum pour vous parler du baptême, justement. Donc, on va regarder la façon biblique de baptiser. On va regarder la signification du baptême. On va regarder les conditions du baptême et la nécessité du baptême. Première des choses, la façon ou la manière biblique de baptiser. Baptiser, la définition, c'est le mot « baptizo ». OK? C'est ça dans le grec. Dans le texte de la Bible, c'est ce « baptizo ». Et ça signifie « plonger, immerger ou submerger ». C'est l'idée d'un, mettons, un navire qui a coulé. Il a coulé dans l'eau, il est dans l'eau, il est immergé. Et c'est intéressant qu'ils ne l'ont pas traduit par ça, ils l'ont traduit par baptiser, baptizo, baptiser. C'est une traduction littérale et non une traduction de sa signification, qui est plongé, immergé, submergé. Donc, le mot baptizo implique que c'est la personne qui est baptisée. Ce n'est pas l'eau qui baptise la personne. Ça a toute cette implication-là. arroser, mouiller, asperger une personne, ce n'est pas baptiser. On peut appeler ça autre chose, mais si on s'en tient au terme biblique, ce n'est pas baptiser. Ce n'est pas, disons, la façon de procéder que Jésus de Jean-Baptiste ou des actes dans les actes des apôtres. Acte 8, 38, ça nous dit « Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau. » Au baptême de Jésus, ça nous dit, dans Matthieu 3, verset 16, « Dès que Jésus était baptisé, on aurait pu lire, dès que Jésus était plongé, immergé, il sortit de l'eau. » Et là, il y a le texte. Donc ça, c'est le terme, la façon, la manière, c'est plonger, c'est immerger. C'est ce qu'on va faire ce matin, on va plonger, immerger Élisa Jeanne, la baptiser. La signification du baptême, maintenant, c'est important, parce que c'est pas juste une petite cérémonie comme ça. Romains chapitre 6, verset 3 nous dit « Ignorez-vous que nous avons tous été, que nous tous nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés, que nous avons été immergés ou plongés. » Donc, on est baptisé en lui, en sa mort, hein? Mort avec lui. Notre ancienne vie est passée. C'est un symbole, on est mort avec lui. Hein? Romains 6, 4 continue, nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort et ressuscité avec lui. Nouveauté de vie, hein? Nouvelle vie. C'est le symbole, la mort et la vie, l'ensevelissement et la vie. Donc, le baptême, c'est une représentation visuelle d'une vérité spirituelle. C'est une action symbolique extérieure qui représente une vérité intérieure profonde et essentielle qui a déjà eu lieu dans sa vie. De même que le repas du Seigneur, c'est une image de notre salut collectif. Jésus est mort pour les péchés, Jésus est mort pour plusieurs. De même, le baptême, c'est une image du salut, individuel. C'est une personne à la fois qui se fait baptiser. Donc, le baptême, c'est une illustration très claire de ce qui s'est passé à la conversion de la personne. Romains 6, 5, je continue avec le texte de Romains 6. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. » Donc, un avec lui en sa mort et un avec lui dans sa résurrection. Donc, le baptême, c'est une expression visible, je le répète, d'une réalité invisible. Le baptême, c'est un symbole du salut. Hein? Nous sommes morts avec lui, il y a l'immersion, plouche. On est enseveli avec lui, blou, blou, blou, blou, blou, blou. Et on est vivant avec lui. T'sais, on sort de l'eau. C'est ce symbole-là. Et ceux qui se font baptiser, ils espèrent que le blou, blou, blou, blou n'est pas trop longtemps. Hein? Troisièmement, les conditions prérequis au baptême. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, dit l'eunuque. Acte 8, 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Acte 2, 41 nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 âmes, c'est écrit. Donc, première condition baptême, c'est la foi, ceux qui croient. Ceux qui ont cru au message. La foi doit précéder le baptême. Le baptême ne donne pas la foi, ni ne sauve. Acte 8, 12 nous dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Ils ont cru, on se fait baptiser. Les baptisés sont des croyants avant de se faire baptiser. Deuxième condition, au prérequis, au baptême, acte 2, verset 37-38, nous dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Deuxième condition, c'est la repentance. Et je vais revenir un peu rapidement sur le texte. Puisque ce n'est pas tous les textes au complet qui disent « Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le... » Ok? La repentance, c'est le mot « métanoïa ». La repentance doit précéder le baptême. Donc, la repentance, c'est un changement de mentalité. Changement de mentalité à propos de Dieu, changement de mentalité à propos de moi-même. Je croyais ça à propos de Dieu. Je croyais que Dieu était comme ça. Je croyais que j'étais comme ça. Et maintenant, je me repens de mes péchés. Je me repens de ma façon de penser, de ma façon, et je change. Je me convertis. Là. La repentance, ça peut être aussi une tristesse éprouvée de ses péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu. Ça peut être ça aussi. Ça fait toute partie de ça, la repentance. Donc, prérequis ou condition au baptême, foi et repentance. En tant que croyant, on sait ça. Hein? Finalement, la condition pour être baptisé, c'est être un croyant. Si la foi est réelle, tu te fais baptiser. Si ta repentance est réelle, tu te fais baptiser. Parce que la foi en Christ et la repentance envers Dieu nous poussent à vouloir nous faire baptiser. À la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes de sauvées et ensuite 3000 personnes qui se sont fait baptiser. Pas un de moins. La nécessité du baptême. Est-ce que le baptême, c'est important? Est-ce que c'est nécessaire pour un chrétien de se faire baptiser? C'est une question qu'on doit se poser. Moi, je dis oui, c'est nécessaire pour un chrétien de se faire baptiser. OK? Parce que, d'un, c'est un commandement. C'est le commandement du Seigneur lui-même. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une cérémonie religieuse que les hommes ont inventée un moment donné puis dit, tu sais, si tu veux être dans notre gang, il faut que tu te fasses baptiser. Non, ça n'a pas rapport du tout. C'est un commandement du Seigneur. C'est une responsabilité individuelle et c'est une responsabilité collective. La responsabilité individuelle, c'est-à-dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Vous savez, vous voyez, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Donc, il parle, là, il a éliminé le baptême comme quoi, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. OK? L'idée au premier siècle, et je vais y revenir, c'est qu'au premier siècle, il y avait toute une implication dans ta vie quand tu te faisais baptiser. Tu pouvais perdre ta job, tu étais persécuté, tout ça. Et donc, c'était significatif, ça signifiait presque le salut. Tu te fais baptiser, oh, tu es un croyant, c'est sûr. Tu ne te fais pas persécuter, puis tu ne restes pas ta vie juste pour le fun. T'es? Non, c'est comme j'ai cru, je me suis repenti en Dieu et je me fais baptiser. Donc, au temps des apôtres, ça n'existait pas un croyant pas baptisé. Et j'ose croire qu'encore aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça peut exister dans le sens où je ne comprends pas. Hein, je n'ai pas compris la signification du baptême encore. Mais là, on est en train d'éliminer cette option-là. L'idée, c'est que ça se peut que je n'aie pas entendu parler du baptême. On est en train d'éliminer cette option-là. Okay? Ça se peut que je pense que j'ai un péché dans ma vie qui m'empêche d'être baptisé. Peut-être que tu crois ça. Tu dis, moi, j'aimerais être baptisé ou tout ça. Mais j'ai un péché dans ma vie qui m'empêche. C'est une façon de penser. Je ne pense pas que ça empêche le baptême. Parce qu'on a tous des péchés dans notre vie. Tu vas toujours en trouver un. La condition pour le baptême, c'est la foi et la repentance. Le baptême, ça a toujours été un signe indissoluble du salut. Tu es sauvé, tu te fais baptiser. Donc, chaque croyant a cette responsabilité-là personnelle de se faire baptiser. C'est aussi, je disais tantôt, la responsabilité de l'Église de baptiser. La responsabilité collective. Et je disais tantôt, c'est un commandement. Jésus a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » C'est un commandement, au même titre que « Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face, tu ne commettras pas d'adultère. » Lorsque Jésus dit « Allez baptiser », c'est un commandement qui vient de la même autorité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Les commandements, le commandement de Jésus, ça fait partie d'une mission, d'un ordre de mission solennelle qu'on a reçu de notre Sauveur, de notre Seigneur, qui a été confié à ses disciples. Donc, deux attitudes que je peux avoir lorsque je reçois un commandement, lorsque je reçois un ordre, lorsque je reçois une parole du Seigneur. Première attitude, c'est que je peux être obéissant et soumis. Ou deuxième attitude, c'est que je peux être désobéissant et rebelle à sa parole. Ce matin, Élisa Jean m'a dit, moi, je vais être soumise. Je vais obéir au Seigneur Jésus. Le baptême ne fait pas de nous un croyant, parce qu'on l'a vu, La foi doit précéder le baptême. La repentance doit précéder le baptême. Je disais tantôt, dans le Nouveau Testament, un croyant non baptisé, ça n'existe pas. Et là, peut-être que vous avez un exemple dans la tête. Oh, oui, oubliez-lui, mais je vais vous en parler tantôt. Au premier siècle, se faire baptiser, c'était s'identifier à Jésus-Christ immédiatement. C'était « je m'identifie à lui, à son corps, à son peuple. Mon ancienne vie est passée et je marche en nouveauté de vie, une nouvelle vie avec Jésus. Je suis mort avec Christ, mon ancienne vie est passée, je suis ressuscité avec lui, nouvelle vie a commencé avec lui. » Ce n'est pas une condition du salut, mais c'est le fruit du salut, le baptême. Le baptême, c'était une démonstration immédiate au premier siècle de ton salut. C'est une démonstration. Tous les croyants du Nouveau Testament, je disais tantôt, sont presque immédiatement, après avoir cru, sont baptisés. Tous excepté un. C'est qui n'a pas été baptisé, qui était croyant dans le Nouveau Testament? On s'appelle du larron sur la croix. Larron sur la croix. Oui, c'est ça. T'es? Donc, ce n'était pas une nécessité. Lui, il a dit, moi, je crois. Jésus dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi au paradis. Jésus dit à l'église de Val-d'Or, Jésus dit à tous les croyants dans le monde, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Donc, c'est la responsabilité de l'église de baptiser les croyants, de baptiser Elisa Jeanne. Il y a deux choses, donc, qui pourraient nous empêcher ce matin de ne pas la baptiser. Si elle n'est pas croyante, on ne la baptise pas. Ou s'il n'y a pas d'eau, bien, on ne la baptise pas. J'ai vérifié tantôt, il y a de l'eau. Puis, Elisa Jeanne professe la foi, donc, il va y avoir baptême. Elle professe la foi en Jésus-Christ, elle sait ce qu'on fait, donc, go, on baptise. Le danger pour nous, c'est de mettre des conditions. Hein? Oui, mais. Hein? On peut manquer notre coup lorsqu'on baptise les gens. C'est arrivé dans les Actes, c'est arrivé dans le Nouveau Testament. Le Philippe, qui s'est fait baptiser, pas le même Philippe que tôt, puis quand il a vu que c'était par l'imposition des mains que le Saint-Esprit venait, à ce moment-là, il dit « Hey, moi aussi je vais avoir ça. » Puis c'était pour l'argent, c'était pour autre chose, pour un mauvais gain. Et là, les apôtres l'ont repris. Hein? Donc, ils se sont trompés à propos de lui, mais l'idée, c'est qu'on bâtit sur des professions de foi. On bâtit sur des professions de foi, c'est ça la condition. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Pour le croyant, je vais terminer, pour le croyant, le baptême, c'est s'humilier devant le commandement du Seigneur. C'est de dire, je suis avec toi maintenant. Je suis avec toi, Seigneur Jésus, maintenant. Je suis avec Christ et ses enfants maintenant. Je fais partie de cette famille. Je m'identifie. C'est pas que je deviens partie de la famille. Je faisais déjà partie de cette famille-là, mais là, je m'identifie. Hein? Et ça, c'est nécessaire de le dire. Je suis avec toi, Jésus, par les eaux du baptême. Finalement, un disciple du Seigneur, c'est un baptisé dans le Seigneur, si je peux me dire. Le baptême, la foi, la repentance qui précède le baptême. Le baptême, c'est un symbole de notre salut. On est mort avec Christ, on est enseveli. Ensuite, on est ressuscité avec lui, une nouvelle vie. Je suis une nouvelle créature. Le baptême, ça représente ça. Et juste avant d'inviter Elisa Jeanne, on va entamer un ou deux chants. Et ensuite, je vais t'inviter à venir nous partager le témoignage de Dieu dans ta vie.